Exercice 10, page 165. A. Vous allez manger tout de suite? Transformer. Non, je mangerai plus tard. B. Vous allez dîner tout de suite? Transformer. Non, je dînerai plus tard. C. Vous allez goûter tout de suite? Transformer. Non, je goûterai plus tard. D. Vous allez partir tout de suite? Transformer. Non, je partirai plus tard. E. Vous allez sortir tout de suite? Transformer. Non, je sortirai plus tard. F. Vous allez dormir tout de suite? Transformer. Non, je dormirai plus tard.